Le groupe Belussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Week-end. J'espère que vous allez très très bien. Et bien nous aussi, on a passé un week-end à plus de 180 à l'heure. Ça, c'est pour malheureusement les voitures qui vont très vite. Mais non, nous on va beaucoup moins vite. Par contre, on a eu un timing très serré tout le week-end. Et le premier timing qui a été très serré ce week-end, c'est Monique. Il faut savoir si elle, ce lundi, elle décompresse un peu. Salut l'équipe de Top Chrono, tout va bien. Ouais, le week-end a été parfait. Gilou qui a été avec nous, il est allé au final du rugby régional du côté du Parc des Sports. Comment tu vas Gilou ce soir? Très bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir, il est très heureux de t'avoir avec nous, avec moi. Il vient d'arriver, mais lui il est toujours au top de sa forme. C'est Bip Bip Bougon. Salut Didier. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que tout le monde est en pleine forme après ces fêtes de Pâques. D'accord, écoute-moi, si vous voulez plus d'enseignements, allez sur Facebook. Il était en compagnie d'une charmante dame. On continue avec notre ami Jean-Yves, ce qui te plaît depuis maintenant tous les week-ends. Salut Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et émission un petit peu particulière en ce qui me concerne ce soir, puisque c'est ma dernière en direct. Mais ce sera qu'un nouveau départ, puisqu'il nous reste quand même que 4 émissions avant la fin de Top Chrono. Et on espère qu'on sera à tes côtés et toi tu seras à nos côtés dans cette émission. Personne ne verra rien en parlant techniquement. On va essayer. C'est parti. Sommaire ce soir, on va parler du motoball dans quelques minutes. Les champions, le championnat Elite 1 est reparti avec un beau champion, Monteux, les fameux Jaguars. On fait leur première sortie, on aura des détails dans quelques minutes avec Alain Empereur et bien sûr tous les résultats de la soirée. En rugby à 15, c'était les finales régionales qui sont déroulées du côté de Parc des Sports d'Avignon. Quel succès et surtout que de belles finales séries. Et puis à bus, on aura bien sûr les résultats de la Fédérale 3. Lille-sur-Saône qui gagne les Angles. On peut rivaliser avec son adversaire. On verra pourquoi. Retour sur ces rencontres. En handball national 3, féminine, Mazan au finish face à Plan de Cuc. Carl Vinsono va venir dans cette émission nous parler de ce match. Moi, basketball national 1, le SAP ira bien en national 2. Ouh, quel gâchis cette saison, nous verrons en détail ce qu'il en est et sûrement le coup de gueule de Jean-Yves. Football, Henri toujours et en plus avec des résultats s'il retrouve les studios du week-end. Athétisme, Bip Bip Bougon, l'actu du week-end et en sport automobile, on va voir un petit peu les résultats du Lyon Charbonnier qui s'est déroulé ce week-end. Et nous retrouverons Marie, elle arrivera à 19h15. C'est elle qui vous présente d'habitude ce sommaire de cette émission. On la retrouvera dans son magazine Horizon. Elle viendra nous donner tous les rendez-vous du week-end sportif, loisirs et plaisir. Oui, Didier, deux secondes, il est vraiment... Allons-y Didier, prends le micro, ne te fâche pas, parle. Merci à tous et à toutes. Comme je te l'ai dit, je pense, elle ne m'a pas confirmé, nous aurons peut-être la présence de Florence Monfadon, la présidente du comité départemental du sport adapté de Vaucluse. Disons que je sais aussi que Jean-Yves, ça nous touche. C'est intéressant. Alors tout cela, on retrouvera Gonfalon, la présidente, dans, on va dire, aux alentours de 19h30 pour l'émission Focus. Nous parlerons, bien sûr, du sport handisport. C'est parti. Top Chrono, Motoball. Allez, on va voir si on va parler maintenant du motoball. Les champions de France faisaient leur premier tour dans ce championnat élite et surtout c'était retour de coupe, il me semble. J'arrive. Oh alors ça va. On va commencer par le début. Monteux ce week-end se déplaçait à Vaujoncourt. C'était pour le championnat. C'était pour le championnat. Première journée de championnat. Vaujoncourt, c'est pas tout à fait à côté. Monteux est allé jouer son match championnat. A été défait malheureusement, mais ça peut arriver. La Fédé, dans un tour de passe-passe dont elle a le secret, a obligé Monteux à jouer un match qui avait été reporté il y a quelques semaines, quelques jours, le lendemain d'un déplacement à Boulogne-Court. Alors déjà là, ça pique. Donc, aller-retour à Boulogne-Court, les Montiliens reviennent de Boulogne-Court, jouent, se présentent sur le terrain pour ce premier tour de Coupe de France contre Neuville. Et là, patatras, première période, tout se passe bien. Deuxième période, un choc. L'arbitre juge que c'est le joueur de Monteux qui est responsable, lui colle un carton bleu, synonyme d'expulsion, et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Fraisse, le capitaine, et s'entretient avec Éric Palaillé et probablement Alain qui va nous le confirmer, et ils ont décidé de quitter le terrain rapidement. Allez, Alain. On va vite rejoindre Alain Lampera, il est au téléphone. Alain, plus éclaircissement sur cette affaire un petit peu sordide. Bonsoir, Alain. En ce premier jour de championnat, bonsoir premièrement, et voilà, dis-nous tout ce qui s'est passé. Oui. Salut Alain. Salut. C'est une petite parodie, hein, parce que à la sortie, nous n'avons pas été du tout entendus sur les modalités de match retour, puisque nous avons proposé quatre dates, qui n'ont pas été du tout retenues, et ils ont retenu qu'une seule date, c'est M. Sabourin de Neuville, qui fait partie de la commission, et là, je pèse mes mots, si là, il n'y a pas d'arrangement, il n'y en aura plus. Voilà, il a donné sa date qu'il a arrangée le mieux, puisque lui, il était à Camaret. Et nous, on s'est tapé 1100 km entre 4h du matin, ce qui est totalement insupportable et injouable. Non, c'est après, clair. Il est arrivé ce qui est arrivé. Ce que je déplore, c'est encore ce mal-être avec l'arbitrage qui a été en dessous sur les deux premières mi-temps, puisqu'ils n'ont cessé de nous faire perdre notre calme. Et en essayant de nous faire perdre notre calme, une faute volontaire de la part de l'international malien sur David Grima, qui n'a qu'une fracture du péroné, donc c'est pas une blessure. Oh non, rien que ça. C'est pas une blessure. L'arbitre, il a dit, il n'y a rien. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blessure. Comment le tournure va ? Comment ça va se finir, cette petite histoire ? Parce que la fédération va prendre une amende, on va prendre une remise à l'ordre, ça c'est sûr. Maintenant la décision, je l'explique aussi facilement que cela peut l'être. Après, je m'en excuse auprès des gens qui étaient au stade, peut-être n'ont pas tout compris dans ce domaine-là, mais nous avons 4 matchs avec sursis à huis clos au niveau du club, et refaire jouer Stéphane Fraisse dans les conditions qui nous restaient était extrêmement dangereuse pour nous et peut-être aussi pour les joueurs de Neuville. On a pris cette décision qui nous a semblé le plus juste, et j'ai dit le plus juste, bon, c'est pas non plus facile, mais on aurait pu continuer, on a préféré s'arrêter parce que ça devenait maintenant trop difficile au niveau de l'état d'esprit, un blessé grave, un carton bleu encore à supporter. Ça fait trop. Donc on a préféré baisser la tête. Pour moi, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'il y aurait eu de grosses tensions. Et je pense que le match, par contre, là, il n'aurait pas fini. Ce qu'il aurait voulu dire, repasser au tribunal, ça, c'est pas possible. Alain, salut Jean-Yves. Alain, on a l'impression qu'on vous en veut quand même, parce que on sait ce qui est arrivé à la fin de la saison dernière, où dans les circonstances, on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Là, on vous colle ce match contre Neuville, et alors que Neuville, tu le soulignes, à 15 km à faire, alors que vous, pour jouer à domicile, vous devez vous taper presque 2000 km. L'arbitrage scandaleux. À un moment, il faut vraiment que vous ayez de la santé pour continuer, pour pas emplâtrer tout le monde, non ? La santé, elle ne va pas durer. Hein. Je le dis très clairement, la santé, elle ne va pas durer parce que ça devient insupportable. Je crois qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas partie du clan de la fédération, tu n'es pas grand-chose. Et il y a eu trop d'affaires dans le motoball qui ont été jugées, et que tous ceux qui ont fait partie de la fédération ont toujours eu des circonstances atténuantes. Ouais. Nous, c'est vrai, nous, on ouvre notre gueule, on ne se laisse pas faire dans ce domaine, et aussi, on le paye au prix fort. Ouh. Par contre, oui. Par contre, ils sont quand même extrêmement conciliants dès qu'on parle de Stéphane Fraisse, parce que Stéphane Fraisse est quand même l'homme indispensable de l'équipe de Fraisse, et là, par contre, on a besoin du Moutilien. Ça, ça me gêne de notre côté aussi. Alors, pour vous partez un petit peu avec un handicap, alors comment ce match va être orchestré, comment ça vous allez vous sortir de tout là, ça. Ils sont dehors de la coupe, non? Oui, là maintenant on est éliminé de la Coupe de France, on va aller au Trophée de France. Mmh. Voilà, qu'on va jouer comme on joue tous les matchs. Maintenant, le championnat pour nous, on joue un match quelque part en jeu dès samedi contre Oulgat. Parce qu'en ayant perdu aussi David, c'est un Allemand de moins, c'était un titulaire. Et on risque d'être peut-être dans le même lot que Koundat. Donc il faut déjà impérativement battre Koundat pour se dire que le match aller, il est de notre côté. Et puis après, on prendra les matchs un à un. Mais ça va être extrêmement tendu. Parce qu'à la sortie, si on fait la même remarque à 3, il y a eu un joueur, le nouveau joueur allemand et entraîneur de l'équipe d'Allemagne qui a par contre on lui a cassé tibia péroné. Le gars il a pris que le jaune de ouais. Valarias. Mmh. Et nous fracture du tibia, il n'y a rien. Donc vous jouez quand, Alain? Pénible au niveau de l'arbitrage, hein. très pénible. Hein. Vous jouez samedi soir, c'est ça? On reçoit Oulgat à 19h. D'accord, bah, écoute, on essaiera de passer vous voir. Ouais. C'est ce samedi C'est samedi, ouais. Ouais. D'accord, on confine, hein, on se traîne à la confine. Ouais. Pareil. Premier match, il va falloir quand même, c'est vrai que démarrer le championnat comme ça, je pense quand vous êtes motivé à faire valoir vos droits chez vous et faire voir votre public quand hein, vous avez une titre champion de France. Ah mais déjà Stéphane était hyper content de la rencontre de Vaujoncourt. Hein. On marque, je crois que c'est Mickaël Fraisse qui marque à la 60 et quelques minutes. Il restait encore un bon petit quart d'heure, on a tiré deux fois sur les barres derrière. Pour tout le monde, même pour Olivier Bongeau, entraîneur de Vaujoncourt, a dit qu'on méritait quelque part un petit peu le match nul. Voilà, on a fait un très bon match et ça vaut le coup de continuer. Et puis même simplement pour David maintenant, on va aussi jouer pour lui aussi. Hein, parce que bon, ce garçon ne mérite pas de finir une carrière comme ça. Ça m'embête pour David qui savait je reprends pas. Il a repris pour le club et puis finalement il se retrouve maintenant. Il est sur le toit jusqu'à quand David Grimm? Ah c'est fini. C'est fini. Carrière terminée. Mais ça. Bon mais écoute Alain. Ouais. Bon c'est courage. Bien, c'est bien triste quand même. C'est vrai que ce soir. Merci à vous les gars. Ouais, ben on est quand bon même derrière vous les gars. Bon courage. Ok. Salut Alain, merci. À bientôt. Salut, merci Alain. À bientôt Alain. Voilà, restez Alain l'Empereur, le manager général des Jaguars de Monteux, c'est le motoball. Et c'était bien sûr le premier match du championnat et première douleur pour ce club avec la perte de joueurs internationaux comme David Fraisse. David Grimm. Il y a plein de choses qui se télescopent. Tu vas jouer ton premier match à l'extérieur, ça arrive, allez, ok. Qu'on t'oblige à jouer contre l'équipe de la Fédé quasiment le lendemain, donc plus de 1000 km de retour, alors que Neuville jouait à Monteux, à Camaret, donc tu vois, ils ont joué samedi soir, ils sont allés se foutre à l'hôtel, ils étaient tranquilles. Là, Monteux, il a fallu qu'ils reviennent 4h du matin. Et puis tu sais comme moi que dans le sport et particulièrement au motoball, il te faut avoir l'esprit clair parce que non seulement tu as toi à gérer, mais tu as ta bécane. Ah ouais, et si tu n'es pas complètement lucide, ouais, vraiment je trouve que c'est ce club de Monteux, il faut avoir la santé pour rester, pour tenir, parce que tous les ans ils ont un truc qui leur tombe sur la tronche. L'an dernier c'est les 80 suspensions avec les points de retard. On sait ce qui est arrivé avec Pipo et Bimbo là, à l'intersaison. Là ils attaquent, ils repartent du bon pied et on les emmerde encore. Enfin bon bref. On essaiera quand même d'y voir un petit peu plus clair. C'est vrai qu'on souhaite quand même que tout se calme parce que tout côté fait, ils vont encore repartir avec bien dans le plâtre, puisque si la Fédé venait à rester de sa position, ils vont leur retirer encore des points. Et un match perdu. En tout cas, match perdu en coupe, ça c'est clair. Mais la coupe, compte tenu des circonstances, ce n'était pas une priorité cette année. Non. Encore que quand tu as joué la finale, tu as envie d'y retourner. Non, ce qui est pénible, c'est que oui, il va y avoir des suites. Il va y avoir des suites, ils vont être emmerdés. Ils vont être obligés d'aller se défendre à la Fédé, à la commission de discipline. Et il y a quand même de grandes chances, puisque c'est Monteux qui ramasse quelques matchs à huis clos. C'est bien dommage, la suite. Top chrono, rugby à 15. Ça y est, on est parti, on est dans le rugby à 15, on va parler bien sûr des phases finales. Il va falloir sortir les petites calculatrices parce qu'on va parler premièrement de ces finales régionales qui se sont déroulées du côté du parc des sports. Jean-Yves, on était samedi, on y a passé l'après-midi avec Gilles. On a pris un grand plaisir, j'aimerais remercier le comité de Provence, André Macou, surtout, hein, puisque c'est lui qui a appelé Fly FM. Et qui a mis à l'honneur la station et surtout toute l'équipe des sports, puisqu'on a eu le privilège de présenter toutes les équipes et puis après de commenter, on va dire, le match au sommet du comité de Provence. C'est bien sûr la division d'honneur régionale où Monteux affrontait UZES. Eh bien, il n'y a pas trop eu de suspense dans ce match parce que c'est allé très vite, Jean-Yves. Ouais, déjà juste pour faire un petit peu d'auto-congratulation, Fred, puisque le simple fait qu'on te demande d'être là et d'animer cette journée, c'est un petit peu une reconnaissance pour le boulot qu'on fait tout au long de la saison avec la SBC. Ça, c'est pour la partie on se fait du bien. Mais au-delà de ça, on a passé une superbe journée avec des clubs qui étaient là pour jouer le match de la saison. Alors, peut-être que Monique... Oui, on va juste continuer ta phrase finie. Ouais. Et juste après, non, on a passé une bonne journée parce qu'il y avait tous ces clubs qui étaient là pour jouer leur match de la saison, leur finale. On a pris un plaisir extraordinaire. On a vu des mecs super motivés, joyeux, perdants, gagnants. Vraiment, c'était une belle fête. Et puis, l'idée de rassembler toutes ces finales sur un même lieu pendant une seule journée, c'est juste extraordinaire. Allez, on passe à la pub et on revient bien sûr sur ces finales du championnat de Provence.